L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous mes petits loups, soyez les bienvenus sur Osmose Radio, soyez les bienvenus ce mardi soir à 18h passé de quelques bonnes poignées de minutes, soyez les bienvenus dans l'heure du loup, ou plutôt la Hora del Lobo ce soir, puisque ce sera une émission avec une playlist un petit peu particulière, et moi Stéphane, je me fais fort de vous illustrer le Dia de los Muertos mexicain. Et pour commencer, ben, la Hora del Lobo, on commençait justement avec Los Lobos et le titre Good Morning Aztlan, un petit clin d'œil au film Good Morning Vietnam, sauf que Aztlan, c'était le paradis des guerriers chez les Aztèques au Moyen-Âge. Voilà, donc les Aztèques, Tenochtitlan, Mexico. Le Mexique sera à l'honneur dans la playlist ce soir, vous l'aurez compris, avec une sélection musicale qui rend honneur au Dia de los Muertos, le jour des morts, qu'ils fêtent là-bas le 2 novembre et qui mêle tradition du christianisme et tradition précolombienne des Aztèques et des Mayas. Voilà, chers amis. Et on va rester un petit peu dans ce délire mexicain avec un petit hommage non seulement à leur couvre-chef mais aussi aux héros qui ont parsemé leur histoire, hein, les sombres héros, dans les deux sens du terme, tout de suite avec le groupe Dover. Sombreros de la mer qui ont su traverser les océans du vide, comme on dit chez nous, et de l'autre côté de l'Atlantique, des sombreros. Il n'en manque pas, hein, de Cuauhtémoc à Emiliano Zapata, en passant par Pancho Villa, le général Santa Anna, et j'en passe. Et ils ont même dédié un couvre-chef à ces gens-là, faut croire, en tout cas, ces gens-là le portaient, notamment Zapata, qu'on voit sur les vieilles photos, le fameux sombrero, le chapeau mexicain. Mexique, qui est le pays qui est à l'honneur ce soir. Et à l'instant, c'était le groupe Dover, un groupe espagnol, celui-là, qui rendait hommage à ce chapeau dans cette chanson-là, Dover, un groupe pop qui regardait avec un nom pareil forcément un petit peu vers la pop anglaise et qui s'est séparé l'an dernier, voilà, après 20 ans de bons et loyaux services du côté de la péninsule ibérique. Péninsule ibérique indéfectiblement liée évidemment au Mexique, on aura l'occasion d'y revenir. Et pour ouvrir cette playlist juste avant, c'était Los Lobos et le titre Good Morning Aztlan. À l'heure où je devrais vous dire bonsoir Avignon, je commence avec un titre qui s'appelle Good Morning Aztlan. Et donc Aztlan, c'est un petit peu l'équivalent du Valhalla chez les Vikings, les anciens Vikings, c'est le paradis des guerriers à l'époque aztèque. Voilà, chers amis, les Aztèques, les Mayas, hein, qui ont laissé un héritage peu ou prou dans le Mexique contemporain, notamment avec cette jolie tradition, le Dia de los Muertos. Quezaco. Le Dia de los Muertos, en fait, c'est le jour des morts qui existe chez nous aussi, hein. Vous savez qu'il y a le 31 octobre, la veille de la Toussaint, le 1er novembre, la Toussaint, et le 2 novembre, le jour des morts. Mais on n'y fait pas réellement tellement attention ou plus attention aujourd'hui dans nos terres déchristianisées. Et ben là-bas, ça reste une tradition très vivante avec beaucoup d'aspects folkloriques très intéressants, notamment des petits bonbons en sucre en forme de crâne qui s'appellent les calaveras, des œuvres d'art populaire. Très vraiment très très joli, très chamarré, très coloré. Je pense notamment au maquillage, aux peintures, aux fresques sur les murs dans les rues, notamment qui représente la Katrina, cette dame très élégante, une bourgeoise en fait, telle qu'elle existait à la fin du 19e siècle, avec des robes, des rubans, des volants, etc., des dentelles. Et sauf que bon, bah, cette dame, quand on s'approche un peu, on voit que il s'agit d'un squelette ambulant. Voilà. Et donc toutes ces petites choses là, vous les connaissez pas forcément, parce que vous n'êtes pas forcément intéressé à la culture mexicaine en particulier, mais je suis sûr que vous en avez déjà vu des échos au cinéma, dans les films de Tim Burton ou de Guillermo del Toro notamment, ou bien encore dans d'autres aspects, en flânant sur internet, etc. Donc ce soir, je vous propose de faire un petit bout de route avec des groupes mexicains ou des groupes qui rendent hommage à la culture mexicaine. Et on va commencer avec ou continuer plutôt cette playlist avec un groupe qui nous emmène vers la route de Tamacun, un groupe qui est passé des guitares électriques bien bourrine aux guitares acoustiques qui virevoltante avec le même talent, c'est Rodrigo y Gabriela Tamacun. Thank you. americano vino México. Y simplemente no pudo creer lo que aquí vio. Sintió un trueno y la tierra firme se le abrió. Salieron muchos esqueletos de ese hueco. Porque te diré, Día de los Muertos en Caracas vio. Oh, oh, oh, y el grito se asustó. Día de los Muertos en Cabruz arrugó. Oh, oh, oh, aquí en México. Un esqueleto apetoso e inquieto. De blanquito y se lo tragó. La piñata la rompieron y salieron los murciélagos. El pobre americano en los pantalones se ensució. Porque te diré, Día de los Muertos y en Caracas vio. Oh, oh, oh, y el gringo se asustó. El Día de los Muertos en Cabos arrugó. Una vez al año, cuando el infierno está lleno, los muertos suben aquí a bailar y a chupar. De los Muertos, c'est le thème ce soir et à l'instant c'était interprété par Voltaire. C'était enchaîné juste avant par un couple, Rodrigo et Gabriela, avec le titre Tamacun, un morceau qui sortait au début des années 2000, hein, l'année il me semble, ou la moitié des années 2000, enfin bref, une époque où le gentil technicien d'Osmose Radio, Luca, était tout petit, mais déjà il était intéressé par la mort, hein, décidément. Et ouais, donc à Voltaire, à l'instant, comme il écoutait. Alors Voltaire, c'est pas celui que vous croyez, hein, vous connaissez déjà le Voltaire, le BHL, le 18e siècle. Moi, c'est d'un autre dont je vous parle ce soir. Voltaire, en fait, c'est pas du tout un Mexicain. C'est un Cubain exilé à New York. Et pour vous illustrer un petit peu le personnage, pour le définir en quelques mots, bah, vous imaginez un gars habillé steampunk qui aurait un tempérament de latino et une allure de Bel Hidalgo et qui chanterait dans un cabaret avec sa guitare et un violon klezmer et puis une banda mexicaine. Voilà, ça vous situe un petit peu le personnage. Voltaire, un garçon qui se faufile un petit peu dans l'univers gothique, notamment par les thèmes qu'il aborde, et il serait capable de faire d'ailleurs la musique d'un film de Tim Burton ou de Guillermo del Toro, parce que comme eux, ils s'intéressent beaucoup au thème du Día de los Muertos, qu'il illustrait dans cette chanson notamment. Et entre ces deux morceaux, vous avez eu un petit intermède qui vous aura peut-être rappelé des souvenirs d'enfance, puisque c'était un extrait de la fameuse série d'animation Speedy Gonzales, dans la version originale pour le coup. Et la petite souris, hein, vous connaissiez Minus et Cortex, vous connaissiez Laura Deville et Laura Deschamps, et bien au Mexique, ils ont Speedy Gonzales, voilà, la petite souris qui se faufile partout. Et là par contre, c'est cette série télé, on vous en a peut-être rappelé une autre qui elle aussi se passait au Mexique, enfin à l'époque où la Californie était une terre mexicaine. C'est Zorro, bien entendu. Zorro, une série qui a eu son heure de gloire là aussi et qui a influencé beaucoup de gens, notamment Alice Cooper. Alice Cooper, un dandy sombre, élégant, exubérant, un petit peu comme Voltaire précédemment, qui lui aussi s'est approprié ce thème-là, Zorro, dans le morceau notamment qu'on va écouter tout de suite, Alice Cooper, Zorro's Ascent. From some aristocrat, eh? Are you need not bother? 'Cause I am the fox and I go where I want. If heaven ignores me, the devil adores me. Yes, I am the fox and I go where I want. But it don't seem 100 years ago. Before I done the mask, I done Diego. Now there's only minutes left for the cunning El Zorro. Go fetch my sword, my horse, I'll ride out there. Diablo! Or you need not bother, 'cause I am the fox and I go where I want. If heaven ignores me, the devil adores me. I am the fox and I go where I want. Disadvantaged, then should I lose this race? Hand to me your deadliest wine, I'll give you back a taste. Before you burn your mark on me, I'll cast mine in your face. You need not bother, 'cause I am the fox and I go where I want. When Satan annoys me, then heaven employs me. 'Cause I am the fox and I go where I want to go. Mexico, Mexico. We'll be right back. Tequila. Moi, je suis Stéphane et je vous souhaite la bienvenue sur Osmose Radio dans l'heure du loup si vous nous rejoignez à l'instant. Et t'es qui toi? Je sais à l'instant, c'était Corpi Clani, un groupe comme son nom l'indique qui est pas du tout mexicain, en fait ce sont des Finlandais, mais qui aiment bien voyager en picolant apparemment, puisqu'ils aiment bien boire des liqueurs qui rappellent d'autres contrées, notamment la tequila, et à laquelle ils rendaient hommage à l'instant dans le morceau qu'on écoutait. C'était enchaîné juste avant avec Alice Cooper et un petit hommage à une série télé de votre enfance, peut-être Zorro's Ascent. Voilà, chers amis, on va continuer dans cette sélection musicale ce soir consacrée au Dia de los Muertos qui avait lieu la semaine dernière, 2 novembre, et plus généralement à la culture mexicaine. Et c'est notamment ce qu'a fait un groupe français, un groupe que j'aime bien, dont je vous ai parlé déjà à quelques reprises. Ils ne sont pas des mancuniens, ce sont des manceaux, et ils s'appellent The Dead Mantra. The Dead Mantra, un groupe de post-rock shoegaze, c'est style un petit peu bizarre, qui vont piocher dans des ambiances atmosphériques et des riffs de guitare très bourrins, et qui sur leur dernier album, en fait sorti il y a un petit peu plus de 2 ans, avait un morceau qui est difficilement prononçable. Vous me direz, comme beaucoup d'anciens termes mexicains, en fait c'est l'anagramme de Mexico, mais c'est pour écrit différemment, c'est M-X-E-I-C-O, que je vous propose d'écouter tout de suite. Los Enterradores avec le titre Los Hombres Las Preferían Muertas. C'était enchaîné juste avant avec un groupe de chez nous, par contre The Dead Mantra avec le titre MXEICO qui est un anagramme, si je prononce à peu près correctement, de Mexico bien entendu. Et d'ailleurs le clip de The Dead Mantra est assez sympa puisqu'il rappelle tantôt l'ambiance un petit peu de la série Breaking Bad qui elle se passait au Nouveau-Mexique et ça rappelle aussi un petit peu les pugilats aztèques, les jeux des célébrations religieuses aztèques telles qu'ils ont pu exister avant l'époque de Cortés et qui leur réduisent tout ça en cendres. Voilà, chers amis. Et Los Enterradores, alors eux, ils viennent de la péninsule de Basse-Californie, mais à mon avis, c'est un groupe de psychobilly qui est aussi allumé que ces groupes du même style de la Californie américaine. Et le titre, hein, c'était un petit clin d'œil à ce fameux film Les hommes préfèrent les blondes, et c'était Los Hombres Las Preferían Muertas, hein, les hommes les préfèrent mortes. Oui, pourquoi pas, hein, amis nécrophiles, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et ben, c'est parfois aussi un petit peu le cas, mais au sens figuré, avec le personnage de la Katrina dont je vous parlais tout à l'heure, hein, cette belle dame très élégamment vêtue avec des maquillages pas possibles et qui en fait est un sac d'os sur pattes et ambulant. Et ben, les Katrina, ben, c'est aussi un petit peu un personnage fascinant qui a sans doute intéressé un autre groupe mexicain qui vient d'un endroit qui s'appelle Aguascalientes, les eaux chaudes. Alors en tout cas, chaud, ils ont l'air de l'être puisque le groupe s'appelle Sex Katrina et qui nous rappelle dans le titre qu'on va écouter tout de suite, ben, que ouais, les hommes les aiment parfois peut-être mortes, mais aussi avec des yeux enjôleurs et des airs mystérieux. C'est l'objet du morceau avec lequel on va continuer, Oros y Misterios. Me hace soñar, me hace desear ser uno con tus pensamientos. No sé. Mekro Kiev qu'on écoutait à l'instant avec le titre Olvidado. C'était enchaîné juste avant avec Sex Katrina et le titre Oros y Misterios. Mekro Kiev, Sex Katrina et puis même et quelques groupes qu'on écoutait avant, hein, tout ça pour vous prouver s'il en était besoin que les Mexicains sont capables d'avoir beaucoup de talent dans les styles punk, post-punk, rock gothique ou bad cave comme on écoutait à l'instant avec Mekro Kiev. Mais bon, avec l'influence du voisin nord-américain qui est parfois un petit peu envahissant, c'est vrai que c'est pas toujours facile de connaître ces groupes-là, d'où aussi la playlist que je vous fais ce soir, une petite section musicale consacrée notamment au Mexique, puisque c'est des groupes dont on a peut-être plus de mal, sur lesquels on a plus de mal à se renseigner qu'évidemment les groupes américains. Et Olvidado, ça veut dire oublier. Dans le texte, ça fait penser à ça rappelle un film de Luis Buñuel qui s'appelle Los Olvidados. Il paraît que s'il y a un film de Luis Buñuel à voir, ce réalisateur mexicain des années 30-40 qui était très marqué par le surréalisme notamment, eh bien c'était un de ceux-là. Mais bon, évidemment, moi je ne l'ai pas encore vu, je connais juste un peu Un chien andalou avec des scènes assez horribles, assez dark, dont je vous mettrai des liens si ça vous intéresse sur le Facebook de L'Heure du Loup, facebook.com/L'Heure du Loup, tout attaché. Mais bon, un autre truc qu'on aurait pu oublier, c'est le passé précolombien du Mexique, qui avec sa culture aztèque, la culture maya et tous les trésors littéraires, culturels en règle générale, historiques, le patrimoine qui aurait pu disparaître au moment de la colonisation espagnole et qui d'ailleurs en large partie a totalement disparu. Pas que du fait des Espagnols eux-mêmes, d'ailleurs Cortés ne porte pas toute la responsabilité des massacres et des destructions. Les Aztèques eux-mêmes avaient répandu beaucoup de sang à travers l'Amérique latine de l'époque, puisque c'était quand même un empire conquérant qui demandait beaucoup d'esclaves, beaucoup de gens à sacrifier pour son panthéon de dieux sanguinaires. Eh bien, c'est un petit peu l'objet du thème avec lequel on va continuer, puisque dans les rares codex, c'est-à-dire les rares écrits des peuplades peuples précolombiens qui existaient à l'époque, nous sont parvenus certains poèmes d'un roi qui existait à l'époque des Aztèques. Il était roi de la ville de Texcoco, une ville du grand lac de Tenochtitlan, sur laquelle la ville de Mexico était sise, j'ai envie de dire, puisqu'elle était, c'était une ville lacustre. Et ce roi qui s'appelait Nezahualcóyotl était roi de Texcoco, disais-je, une ville qui était une ville vassale de l'empire aztèque. Et cet homme-là a écrit notamment beaucoup de pensées, de poèmes. C'était un peu comme l'empereur Adrien sous Rome, eh bien, qui avait laissé des poèmes philosophiques. Eh bien, Nezahualcóyotl a fait à peu près la même chose, mais pour ce qui est de la culture américaine. Et c'est l'artiste Jaramar Soto qui a mis en musique certains des poèmes qui nous sont parvenus. Évidemment, il les a traduits dans une langue contemporaine, l'espagnol, la sienne en l'occurrence, l'espagnol. Et je vous propose de découvrir un aspect méconnu de cet aspect méconnu de la culture mexicaine, en l'occurrence qui nous vient du fond des âges, enfin peut-être pas, mais en tout cas du 15e siècle, tout de suite avec le titre « Como una pintura ». Como una pintura, no Como una pintura, comme une fresque. C'était un poème du roi Nezahualcóyotl qui avait été mis en musique par la chanteuse Rarámar dans un album qu'elle avait sorti en 1995 qui s'appelait Si yo nunca muriera. Voilà, chers amis, un petit peu de douceur, un petit peu cette ambiance sombre et mystérieuse pour aller tout doucement vers la fin de l'émission qui se profile déjà après cette heure passée ensemble. Mic pequeños lobos, mes petits loups. Comme notre habitude, on va se quitter avec quelque chose d'un petit peu décalé, mais on va rester dans le thème ce soir avec la chanteuse Lila Downs qui a, elle, a mis en musique un personnage très important de la culture populaire mexicaine et de l'histoire du Mexique. Il s'agit de la Malinche. En fait, c'était la concubine de Hernán Cortés. Voilà. Donc, c'est elle qui a servi de traductrice, en fait d'interprète auprès des peuplades mexicaines qui étaient toutes quasiment asservies à l'empire aztèque et qui donc a permis de faire le relais et à Cortés de progresser jusqu'à abattre enfin l'empire de Mexico et l'empereur Moctezuma, etc. Enfin bref, vous connaissez l'histoire, mais ce personnage de la Malinche, il n'est pas forcément très connu chez nous et le premier réflexe quand on se dit que c'était la compagne de chambre d'un conquérant étranger, le premier réflexe qui viendrait à beaucoup de gens, ce serait de dire c'était une collabo, c'était une salope. Et d'ailleurs, l'historiographie mexicaine s'en est pas privée à une époque, mais dans le cœur des Mexicains, curieusement, c'est un personnage important qui prête sans doute à controverse, mais qui est aussi attachant parce qu'elle symbolise déjà un statut social pour la femme, ce qui n'était pas le cas que ce soit en Espagne ou que ce soit dans l'Empire mexicain. Les femmes, c'était un peu des seconds couteaux, elles servaient de cadeaux, elle servait d'esclave sexuelle de part et d'autre. Et là, en l'occurrence, on avait la Malinche qui était une femme avec du pouvoir, en l'occurrence celui de traduire, celui de voir d'influencer le conquérant espagnol. Et puis aussi, c'est aussi un personnage qui, aux yeux des Mexicains, d'après ce que j'ai cru lire à droite à gauche, c'est aussi un personnage qui incarne la synthèse entre le sang entre guillemets espagnol, le sang des étrangers, et celui des différents peuples qui composaient le Mexique à l'époque et encore aujourd'hui, parce que si c'est un pays dans lequel il y a une violence sociale extrêmement grave, que ce soit au niveau racial, que ce soit au niveau social avec les narcotrafiquants, etc. C'est aussi un pays où il y a eu beaucoup de métissage, alors par des viols évidemment, mais aussi par des histoires d'amour. Et puis le pays s'est construit petit à petit jusqu'à ce qu'il ait aujourd'hui un pays des violents, un pays qui a beaucoup de problèmes à différents degrés, mais un pays qui est intriguant et fascinant aussi pour beaucoup d'autres aspects dont je vous ai donné à voir quelques-uns ce soir en musique. Voilà, chers amis, j'arrête là mon blabla et je vous laisse comme notre habitude avec quelque chose d'un petit peu décalé, la chanteuse folklorique Lila Downs avec ce titre, La Malinche. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mi pequeños lobos, et je vous laisse pour ce soir. Bisous. Vámonos a la laguna de Chacagua. Ah, vaya. Malacate, mira que come ese camarón. malacate, mira que busca un toro rabón, mira que juega ese malacate.